jusqu'à la mort. Nous te serons fidèles jusqu'à la mort. Tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons en luttant avec foi. Déjà jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. Le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Toi, Jésus, on est heureux de vivre tous les chemins. Avec toi, semble doux. Agneau de Dieu qui ne voudrait te suivre jusqu'à la mort. Et tu mourus pour nous, Seigneur Jésus. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. Le libre cri d'un peuple. Nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Mère, ô Sauveur, tu sais notre faiblesse. Nous tomberons sûrement un chemin. Si tu ne viens accomplir ta promesse jusqu'à la mort, nous te Cantique 226. Dans le chant de victoire, c'est ça? Amen. Cantique numéro 226, vous tous qui nous écoutez de l'extérieur. Papa Santé. Bonsoir le frère Bégénic de l'Allemagne. Bonsoir. Le frère Bégénic. Bégénic, toi tu nous entends? Le frère Stéphane de Lyon, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir, que Dieu soit avec vous. La soeur Stéphanie de Camille au Canada, bonsoir. Bonsoir la famille. Bonsoir. Bien aimé. Le couple Trabi du côté de Belgique, bonsoir. Bonsoir. La soeur Carole du Canada, Carole Gaha, bonsoir. Je suis content de te voir. Quand il voit ton visage reluisant comme ça, je suis content. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Canada, bientôt votre tour. Canada, bientôt votre tour. Amen. Canada, bientôt votre tour. Amen. Allô, frère Julien. Hey, attends d'abord, salut d'abord les autres, pardon, attends d'abord. La sœur Louise Ngo, Nunga du côté de Madrid, en Espagne. C'est la première fois qu'on voit ton visage. Bonsoir. Ça veut dire que... Bonsoir. Oui. Amen. Donc tu es vraiment maintenant une sœur Android en Europe, vraiment Android. La sœur reine de Bruxelles, on ne voit pas ta vidéo, tu n'as pas mis ta vidéo, c'est vrai que tu ne connais pas. La sœur reine de Bruxelles, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir tout le monde. Voilà, on va voir ta vidéo. Voilà la sœur Reine. La sœur Reine, bienvenue. C'est une surprise pour toi aujourd'hui, n'est-ce pas? On va vivre ce moment ensemble. Oui, c'est une très belle surprise. Une très belle surprise. Donc, tu as tes soeurs et frères là connectés avec toi et en même temps, nous sommes connectés à Douala au Cameroun. Que le Seigneur te bénisse. Bonsoir tout le monde. Oui, tu auras le temps de connaître toutes tes soeurs. La soeur Carole Chartelon de Francfort en Allemagne. Bonsoir. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, mes frères et soeurs. Shalom, shalom. Shalom, shalom. La sœur Albertine d'Allemagne, bonsoir. C'est la première fois. Bonsoir. Bonsoir. Oui, il y a encore qui. Le frère Jobin, tu es en pause. Le frère Jobin, bonsoir. Bonsoir. Frère Jobin, ton décor a changé là. Tu es où comme ça, le frère Jobin du Maroc? Frère Jobin, ton décor a changé. Je crois qu'il y a un souci de connexion avec le Maroc là. Il y a encore qui? La sœur Sandra Bonfort, la femme de Daoudou, mon frère Daoudou, du côté de Maryland, aux États-Unis. Tu es connecté, bonsoir. Oui, bonsoir, l'Assemblée. On ne te voit pas. Ma sœur est où? Du côté de Maryland, aux États-Unis. Nous venons de prendre l'assemblée en marche, donc elle est en train de se préparer. Ok, bon, on ne vous voit pas, il n'y a pas de problème. Quand va prendre, vous vous connectez. La sœur Marie-France Sophie de la France. Bon, Marie-France Sophie, normalement, elle est en France. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? J'espère que tout le monde est là. J'ai salué tout le monde, n'est-ce pas? Il voit que. Depuis, on ne s'est pas connecté depuis, il fallait que je me repose un peu. Jusque là, je ne me suis pas reposé. J'ai dit aujourd'hui, il faut qu'on parle aujourd'hui, pas vrai? Oui. À moins que vous voulez qu'on se repose, on se repose? Non. Oui. Voilà. Le frère Trabi, tu voulais dire quelque chose? Oui, je parlais de maman, de la sœur Albertine. Oui, la sœur Albertine. On était en Allemagne, je l'ai appelée. En Allemagne, son numéro ne passait pas. On devait se rencontrer en Allemagne, mais c'est dommage. Son numéro ne passait pas quand on était en Allemagne. Ok. Mm-hmm. Bon, ce n'est que partie remise. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Amen. Mm-hmm. Donc, avant qu'on ne commence, il y a quelqu'un qui a donné le cantique là. À partir du 17 de ce 17 du mois prochain, c'est le tour de la Côte d'Ivoire. Ah, donc. À partir du 17, on sera en Côte d'Ivoire jusqu'à peut-être le 10 ou 9 août. Donc, on sera du côté de la Côte d'Ivoire. Donc, que Dieu bénisse. Je crois que vous également, ici, vous pouvez prendre le numéro. Comme ça, on ne revient plus. Et nous prions donc pour tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, que le Seigneur fasse d'eux selon ses grâces. Amen. Amen. Donc, je vais donner les deux numéros de la Côte d'Ivoire. Oh, voilà le frère Bamba Eba aussi qui dit qu'il va entrer à la conférence. Bon, je crois qu'il faut qu'on le mette là. Qui lui a même dit qu'on est connecté aujourd'hui là? Le frère Eba. Mon frère, tu nous as exclu tout à l'heure. Hein. Non, quand on est 26, je ne vous exclue pas exprès. Quand on est 26, ça ne lance pas. Donc, je regarde les personnes qui ne sont pas, quand ils vont absents, j'exclus les personnes pour qu'on puisse lancer. Si on dépasse 24, déjà on ne peut plus lancer l'appel. Donc ceux qui sont connectés, s'ils demandent à ce qu'on les ajoute, on va les ajouter. Comme le frère Iba tout à l'heure, je l'ai vu absent, c'est pour ça qu'il est exclu là. Donc le numéro de la Côte d'Ivoire, c'est 00. Vous m'entendez, n'est-ce pas? 00-225-41-93-31-14. Donc je répète, 00-225-41-93-31-14. Et le deuxième numéro, là où on peut contacter, même sur WhatsApp, je crois bien, C'est le frère Olivier Angoran. Le frère Olivier Angoran. Frère Georges, c'est sur Jésus-Christ Télévision. Ici, c'est le frère Junior de Douala au Cameroun. Frère, pardon. Oui. J'étais un peu occupé. Répète-moi les numéros. Bon, je continue sur le deuxième. Prends le deuxième en attendant. Le 0024 36 0427 0024 67 0024 67. Voilà, c'est le numéro du frère Olivier Angoran de Yopougon. Olivier Angoran, je crois qu'il est sur WhatsApp, vous pouvez le joindre sur WhatsApp. Il aura tout le programme et tous nos déplacements là-bas à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que... Il est de la Côte d'Ivoire. Il est en Côte d'Ivoire, la sœur Albertine. Voilà, je crois que... Voilà, je crois que le deuxième numéro, le premier numéro que j'ai lu, on va mettre ça sur le groupe là tout à l'heure, afin que vous notiez. Que le Seigneur vous bénisse. Madame Trabi, pourquoi tu ris là maintenant? Madame Trabi, ton micro est fermé. Votre micro est fermé. C'est maman Albertine qui me fait rire. La soeur Albertine. Ah. Ok. Donc que le Seigneur vous bénisse, J'ai vu tout le temps que vous exhortiez sur le groupe. Je vous vois et vous exhortez. Et c'est très bien comme ça. Que Dieu vraiment vous bénisse. Je crois que nous tous, nous avons compris que l'heure n'est pas à jouer sur les réseaux sociaux, mais de nous exhorter effectivement. Et souvenez-vous, il ne faut pas que les réseaux sociaux viennent vous créer des obstacles. Ça ne doit pas baisser ni votre prière, ni votre intensité à la lecture de la Bible. Si n'importe quel sujet vous distrait un peu, mettez ça de côté et avancez avec le Seigneur, parce qu'il n'y a pas le temps à perdre. On n'a vraiment pas le temps à perdre. Dans ce monde que Satan a mis tout des traits de distraction pour nous attirer à lui. Devant qui les vents Ensemble, à quoi va, à quoi va.